La critique vibratoire, alors c'est une critique qui est produite en étant supportée par la vibration de l'esprit. Donc, lorsqu'un individu va émettre une critique qui est supportée par la vibration de l'esprit, c'est parce qu'il vit un contact avec ce dernier qu'il est capable de canaliser à travers sa parole. Et la fonction de la critique qui est supportée par la vibration de l'esprit est ajustée le plan matériel, les individus aussi qui se retrouvent sur ce plan-là à cette énergie pour favoriser une évolution et un rehaussement de la conscience des individus impliqués. D'ailleurs, la nature et la fonction de la critique qui peut être canalisée, qui provient de l'esprit, sera toujours de favoriser l'évolution, un développement, donc que les gens deviennent de plus en plus conscients. Ça sera toujours, ça va toujours tourner alentour de ça une critique qui provient de l'esprit puis qui est supportée vibratoirement par lui. Donc, c'est une critique qui est en relation avec l'interpénétration du plan éthérique sur le plan matériel. Puis, plus que les gens sont capables de manifester une critique qui est supportée par l'énergie de l'esprit, et plus qu'à ce moment-là, le plan de l'esprit descend au cœur de la matière, va influencer des individus pour petit à petit favoriser l'évolution de la Terre et qu'il y ait une harmonisation entre la réalité physique et celle du plan éthérique. Tandis que la critique qui n'est pas supportée par l'esprit, donc la critique qui peut être supportée par l'influence d'entités astrales, parce que après tout, lorsqu'une personne parle, qu'elle tienne des propos qui soient critiques ou non, ça va être sous influence d'énergie qui proviennent soit du plan éthérique, le plan mental, ou le plan astral, donc deux sources d'énergie. Donc la critique qui provient du plan astral sera une critique qui va être teintée d'orgueil. Ça va être une critique qui peut être extrêmement destructive. Ça peut être une critique, bien entendu, dans laquelle il y a des attaques personnelles, dans laquelle un individu peut chercher à abaisser une autre personne, le dominer. D'ailleurs, l'un des aspects de la critique qui provient du plan astral est lié au fait qu'il y a une forme de domination, de coloration, d'orgueil qui s'y rattache, qui va l'alourdir, et elle peut être extrêmement destructrice. Donc, quelqu'un qui est en relation avec le plan astral peut faire à une autre personne des attaques personnelles. Donc, en la psychologisant, en utilisant des étiquettes, en disant à une personne qu'elle est intrinsèquement stupide, niaiseuse, bonne à rien, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir des jurons qui sont utilisés, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir de la diffamation aussi qui est faite, et ainsi de suite, parce que la critique astrale va chercher à détruire des personnes. Ce n'est pas une critique qui est faite dans l'esprit de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Donc, autrement dit, c'est une critique qui est faite sous l'influence d'entités orgueilleuses qui, par le fait qu'elles ont un orgueil, un ego et qu'ont un certain sentiment de puissance, vont chercher à dominer autrui puis à l'assujettir. Donc, il y aura toujours une coloration associée à une critique astrale qui va faire en sorte que c'est une critique qui ne favorisera pas l'épanouissement de l'individu qui est concerné par elle. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il peut y avoir des jeux d'ego, bien entendu, par rapport à des individus en voie d'évolution qui vont canaliser du matériel qui provient du plan astral. Donc, c'est sûr que, par exemple, une personne qui se sent insécure sur le plan psychologique peut chercher à critiquer une autre personne sans que ça soit fondé sur du concret pour l'abaisser et, elle, se remonter et ainsi compenser l'état d'insécurité psychologique qu'elle connaît. Donc, autrement dit, elle va baisser quelqu'un à ses yeux pour se sentir supérieur à elle. Donc, autrement dit, la critique au niveau astral va chercher à générer des rapports polarisés entre des êtres humains, à savoir, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, c'est une critique qui va chercher à occasionner de la division entre des individus. Ça va créer des tensions. Ça peut créer même des guerres. Tandis que la critique qui s'appuie sur la vibration de l'esprit, c'est une critique qui s'appuie sur une énergie qui ne cherche pas à diviser, mais qui cherche à faire évoluer les gens pour qu'il y ait un rehaussement continuel de leur niveau d'énergie, leur taux vibratoire. Ça a une fonction différente. Et c'est sûr que la distinction entre les deux, peut être captée en fonction de la lecture qu'une personne peut faire de la vibration que sous-entend les propos critiques tenus par une personne, au même titre que ses propos en général. Donc, c'est sûr qu'une personne qui développe une conscience vibratoire et une sensibilité à percevoir la vibration derrière les mots, bien, elle va être capable de voir si une critique est appuyée par la vibration de l'esprit ou non, puis à ce moment-là, gérer son rapport à la critique qu'elle perçoit en conséquence. Donc, si par exemple quelqu'un reçoit un courriel, un message avec beaucoup d'éléments critiques, elle peut lire vibratoirement qu'est-ce qui est supporté par la vibration de l'esprit, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis faire la distinction entre les deux. Donc, c'est sûr que si quelqu'un reçoit un message par courriel de nature critique, là, elle se fait insulter en disant que, bon, elle est niaiseuse, elle est stupide, ce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, elle se fait attaquer, là, personnellement, avec des étiquettes dénigrantes. Si la personne a la capacité de capter vibratoirement que ces étiquettes-là ne sont pas supportées par la vibration, par l'esprit, ça va passer 6 pieds par-dessus la tête, dans le sens que elle va lire ça, puis c'est comme si c'est des notes de musique qui sonnent faux. Ça n'entre pas en résonance avec elle, donc elle entend ces mots-là, puis elle passe son chemin, sans leur donner de l'importance, sans s'accrocher à ces formes-là, sans amener ces formes-là à l'amener à réagir émotivement. Puis là, à un moment donné, si elle capte dans la vibration qu'il y a des choses qui sont fondées, dans le sens que c'est appuyé par l'esprit, donc si quelqu'un, par exemple, se fait dire qu'il devrait davantage, on peut trouver quelque chose de très concret, là, utiliser un vocabulaire plus simple lorsqu'il s'exprime, puis là, il sent que l'esprit l'amène dans ce sens-là, il va être obligé de l'étudier, ce que l'autre personne dit, parce que ça fait écho à sa sensibilité. Donc, quelqu'un qui développe une capacité à composer avec la critique va faire le discernement sur qu'est-ce qui est fondé ou non sur la vibration, puis quand il capte que la critique de l'autre personne est fondée sur la vibration, il va s'ajuster en conséquence. Donc, autrement dit, si la personne se fait dire d'utiliser des termes plus simples parce que l'autre personne a des difficultés à la comprendre, puis elle est mise simultanément en vibration par l'esprit pour utiliser un vocabulaire plus simple, bien, elle doit agir ainsi si elle veut s'ajuster à l'esprit puis monter en vibration en conséquence. Donc, autrement dit, elle doit s'ajuster à cela. Tandis que si la critique elle s'appuie pas sur une vibration, ben la personne ne doit pas lui donner d'importance puis passer à autre chose. Mais c'est subtil, parce que dans certains cas, quelqu'un doit s'ouvrir à la critique. Dans d'autres cas, il ne doit pas s'y ouvrir. Puis pour savoir si on doit s'ouvrir ou non à la critique, eh bien, il faut regarder la vibration qui est derrière le propos qui est amené comme critique. Donc, c'est sûr que par rapport à la question de la critique, bien, c'est fondamental qu'un être humain soit capable de contester, de remettre en question les idées qui lui sont présentées, les croyances. Et c'est sûr que, en lien avec ça, le développement d'une capacité de tout remettre en question, donc d'avoir un grand esprit critique, est fondamental pour un individu qui vit un processus de conscientisation. Et cette remise-là de questions passe aussi par la remise en question de ses comportements, de ses habitudes, des croyances que la personne peut avoir, des valeurs aussi qu'elle peut avoir, donc de toutes les formes que la personne peut avoir en lien avec son passé socio-culturel. Donc l'esprit amène l'individu, lors du processus de conscientisation, à revisiter l'ensemble de son existence, les différents aspects de sa vie, pour que son existence soit davantage en adéquation avec le plan éthérique dans ses agissements en termes de paroles et d'actions. Et ça peut passer par plusieurs façons. Donc, au niveau interne de l'individu, ça peut lui dire intérieurement, par exemple, de s'ajuster davantage aux autres lorsqu'il parle pour utiliser un vocabulaire plus simple, plus vulgarisé. Et c'est sûr que si l'individu ne donne pas suite à ça, il est possible que si la personne fait la sourde oreille, l'esprit passe par un autre individu en termes d'intermédiaire pour lui véhiculer le même message. Donc, autrement dit, si le message interne de l'esprit à l'individu ne passe pas à travers une communication télépathique, bien à ce moment-là, l'esprit va passer à travers un autre individu comme intermédiaire pour lui livrer le même message. Donc, autrement dit, une personne de l'environnement de cet individu peut entendre quelqu'un lui dire « ben, tu dois t'exprimer avec plus de simplicité ». Puis si l'individu se ferme à la personne, c'est possible qu'un peu plus tard, il y ait une autre personne, puis une autre personne, puis l'esprit ne lâchera pas tant aussi longtemps que l'individu ne sera pas ajusté au plan éthérique pour qu'il soit capable de composer intelligemment avec la parole. Si l'esprit cherche à ajuster la personne en profondeur, en lien avec cela, compte tenu de ce qu'elle a à vivre sur le plan terrestre. Donc, autrement dit, l'esprit va travailler l'individu, puis ce qui va arriver, c'est que s'il ne s'ajuste pas à l'esprit, ben, l'esprit peut y créer des oppositions avec différentes personnes qui vont le contester. Et c'est sûr que ce qu'il faut réaliser, c'est que si la personne ne s'ajuste pas à travers une communication interne, ben, ça peut être à travers l'environnement et les événements, donc au niveau expérientiel qu'elle va s'ajuster. Par contre, de s'ajuster en fonction d'événements, ça peut créer de très grandes souffrances parce qu'il y a des événements qui occasionnent des chocs, alors que les communications télépathiques, ça peut être plus en douceur. Mais bon, c'est un petit peu particulier la critique parce que l'esprit peut critiquer l'être humain, puis également l'être humain peut critiquer l'esprit parce que l'esprit a à s'ajuster dans son rapport à l'être humain, parce que l'esprit, bien qu'il ait une compréhension au-delà de la matérialité qui lui permet d'être plus objectif que l'être humain par rapport au quotidien, par rapport à la vie de tous les jours, puis aux différents éléments de la vie planétaire, l'esprit, eh bien, il vit sur un plan d'énergie dans lequel il n'est pas soumis aux contraintes de l'existence, comme l'âme incarnée dans la matière. Autrement dit, l'esprit n'a pas besoin de manger, l'esprit n'a pas besoin de dormir, l'esprit n'a pas besoin de gérer des sens physiques. Ce qui fait que ça lui donne une intelligence qui est détachée de l'influence de ces derniers pour atteindre un niveau élevé d'objectivité psychique. Par contre, l'esprit doit prendre en considération des éléments en lien avec la vie humaine pour qu'une adéquation soit davantage présente dans son rapport avec l'être humain au fil du temps, qu'il y ait un ajustement mutuel qui s'opère à travers les rapports et les échanges télépathiques entre les deux. Ce qui fait que l'être humain peut contester l'esprit, puis l'esprit peut contester l'être humain pour qu'éventuellement il y ait une plus grande adéquation entre les deux. C'est un petit peu comme un couple, hein? Un homme peut critiquer sa femme et la femme peut critiquer l'homme et vice-versa. Et ici, il est question, bien entendu, de critique constructive et non pas destructive. D'ailleurs, le propre des gens qui vivent un contact avec l'esprit, c'est de toujours amener des critiques constructives dans le sens qui vont favoriser la construction de l'individu pour l'amener à évoluer davantage en conscience et rehausser son taux vibratoire pour qu'il y ait une plus grande maturité psychique avec le temps. Alors que la critique qui provient du plan astral est destructive, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va chercher à dominer l'autre, il y a des rapports dominants-dominés, il y a des rapports d'exploitation, il peut y avoir des rapports d'influence néfastes entre les deux et ainsi de suite. Donc la distinction, ça se fait avec la vibration, un peu comme pour la parole, à savoir si quelqu'un prononce des mots en étant sous l'influence astrale ou sous l'influence de l'esprit lorsqu'il canalise. C'est le même principe ici qui s'applique.